gonna الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله إن من أجل الطاعات وأعظمها شأنا وقدرا بعد توحيد الله سبحانه وتعالى الصلاة الصلاة يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب أسرار الصلاة فاعلم أنه لا ريب أن الصلاة قرة عيون المحبين ولذة أرواح الموحدين وبستان العابدين ولذة نفوس الخاشعين إلى أن قال وهي رحمة الله المهداة إلى عباده المؤمنين عباد الله خمس صلوات فرضهن الله علينا في اليوم والليلة لنفوز برضاه وجنته سبحانه وتعالى لا لحاجته إلينا بل هو الغني سبحانه غني عنا وعن عبادتنا إن تكفر أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله هو الغني الحميد هذه الصلاة يا عباد الله هي الركن الثاني من أركان الإسلام عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان متفق عليه فالصلاة صلة وثيقة بين العبد وربه يقبل العبد فيها إلى ربه بقلبه وجوارحه هذه الصلاة تطرد الغفلة قال الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة لذكري هذه الصلاة هي الفيصل بين من أسلم لله رب العالمين ومن كفر قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة رواه مسلم ومما يبين لنا عظم مكانتها في الإسلام كثرة فضائلها ومن هذه أن الله سماها إيمانا في القرآن وكذا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كما في حديث أبي موسى نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان ومن فضائل هذه الصلوات أنها سبب دخول الجنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت خليلي يقول من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بوجه بقلبه ووجهه وجبت له الجنة رواه مسلم وهي أول ما يحاسب العبد من عليه العبد من عمله وهي أول ما يحاسب عليه العبد من عمله كما ثبت في حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة الصلاة فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله أخرجه الطبراني هذه الصلاة تبعدك عن الشر قال الله سبحانه وتعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الصلاة أفضل الأعمال قال ابن مسعود رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله رواه البخاري الصلاة سبب رفع البلاء وذهاب الأحزان لما اشتد الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده الله في القرآن إلى ما يطمئن إليه ويسكن إليه فقال الله سبحانه وتعالى ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي بلال أرحنا بها يا بلال رواه أبو داود وكيف لا يعترف المسلم بأهمية الصلاة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة أخرجه النسائي الصلاة سبب تكفير السيئات عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم الصلاة نور الصلاة نور بها ينور الله لك الطريق بها ينور الله قلبك بها ينور الله وجهك وسائر جسدك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي مالك رضي الله عنه والصلاة نور رواه مسلم عباد الله جميع الشرائع شرعت والنبي صلى الله عليه وسلم على الأرض جميع الشرائع والأوامر شرعت والنبي صلى الله عليه وسلم على الأرض إلا الصلوات الخمس إلا الصلوات الخمس رفع إلى السماوات العلى رفع إلى السماوات العلى وشرعت له وشرعت له في المعراج كما هو معلوم بدون واسطة جبريل عليه السلام ومن هنا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من سره أن يلقى الله من سره أن يلقى الله غدا مسلما من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. رواه مسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يعيننا على المحافظة على هذه الصلوات. والحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتدى بأثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، sachez que parmi les plus grandes que parmi les plus grandes adorations, les plus aimées chez Allah subhanahu wa ta'ala, et celles qui ont le plus de valeur, il y a la prière. 5 prières qu'Allah nous a ordonnées de jour comme de nuit. Et c'est l'adoration qui a la plus grande importance dans l'islam, après le fait d'unifier Allah d'un culte sincère. Ibn al-Qayyim, rahimahullahu ta'ala, nous parle de cette prière, nous parle de l'effet de cette prière dans le cœur du croyant et dans la vie du croyant. Et il nous dit, cette prière, sans aucun doute, c'est la prunelle des yeux de ceux qui aiment l'adoration. C'est le délice de l'âme de toute personne ayant unifié Allah. C'est le jardin de ceux qui aiment adorer Allah. C'est le plaisir de l'âme de ceux qui s'humilient pour Allah. C'est la miséricorde qu'Allah a offert aux croyants. Donc sachez mes frères que ces 5 prières sont un ordre émanant de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes. On doit accomplir 5 prières de jour comme de nuit. C'est une obligation pour chaque musulman et chaque musulmane. Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint cela, non car il était dans le besoin devant notre adoration, non car il avait besoin de nous, mais c'est afin qu'on gagne dans ce bas monde, qu'on réussisse dans ce bas monde et dans l'au-delà, afin qu'on trouve la sérénité du cœur et la tranquillité des membres. Donc la prière et son bénéfice reviennent au serviteur lui-même. Cette prière est le deuxième pilier de l'islam. Après l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala de par le culte, après avoir reconnu la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu dois accomplir cette prière. C'est le deuxième pilier de l'islam. Et cela nous montre l'importance de cet ordre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, l'islam repose sur 5, c'est-à-dire sur 5 fondations immenses. Le fait de témoigner, le fait de reconnaître et de témoigner que nulle divinité ne mérite véritablement l'adoration si ce n'est Allah et que Mohammed est son messager. Le deuxième pilier est l'accomplissement de la prière. La prière est un lien solide entre le serviteur et son Seigneur, son Créateur. Lorsque le serviteur se lève après s'être purifié, il se tient debout devant le Seigneur des mondes. Il se tient debout devant le Seigneur du monde en se dirigeant vers lui de par son cœur, de par son visage et de par ses membres. La prière t'évite le fait d'être distrait et soigne ton cœur de tous les maux et de toutes les maladies. Allah nous dit dans le Coran et accomplis la prière afin de te souvenir de moi. Accomplis la prière afin de te souvenir de moi. La prière et ce qui va marquer la distinction entre le serviteur qui s'est soumis devant Allah le Seigneur des mondes et celui qui a été ingrat et celui qui a mécru. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la chose qui marque la distinction entre le croyant et le polythéiste, là il y a la prière. La chose qui effectue et qui montre la distinction entre le croyant et le polythéisme est la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit celui qui la délaisse a mécru. Celui qui la délaisse a mécru. Et les savants divergent quant au jugement de celui qui délaisse la prière. Beaucoup parmi les savants voient qu'ils sortent de l'islam. Celui qui délaisse la prière sort de la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ont dit, il ne sort pas de l'islam mais sort de la droiture. C'est un pervers qui mérite un châtiment dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et de grands savants, comme le grand savant Mohammed Aman al-Jami rahimahullahu ta'ala nous dit, et comment est-ce que le serviteur pourrait entendre ou pourrait être d'accord sur le fait que les grands savants de l'islam divergent quant au plus grand bienfait concernant sa personne. Comment est-ce que tu peux délaisser la prière, sachant qu'une partie des savants voient que celui qui délaisse la prière n'est pas un musulman. Les savants divergent quant à cela. On doit donc s'accrocher, se cramponner à cette prière et tout le bien dans cela nous revient. Parmi ce qui nous montre l'importance de cette prière, il y a les nombreux mérites qui ont été cités dans le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam destinés à la personne ayant accompli ses prières et ayant préservé ses prières. Allah a appelé la prière iman dans le Coran, foi, et Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également. Il nous dit la purification est la moitié de la foi, c'est-à-dire la moitié de la prière. Cette prière-là est la cause pour que tu entres au paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ou bien Abu Huraira radiallahu anhu nous dit, j'ai entendu mon bien-aimé, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui fait ses ablutions de la meilleure façon, puis prie deux unités de prière en se dirigeant avec son cœur et avec son être vers Allah, cela lui revient de droit, c'est-à-dire le paradis. Les compagnons disent au messager d'Allah, que lui revient de droit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Jannah, le paradis. Dans une autre version, comme celle citée ici, Wajabat lahul Jannah, lui reviendra de droit le paradis. La prière est la première chose sur laquelle tu seras jugé, ô serviteur d'Allah, le jour du jugement dernier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, la première chose sur laquelle sera jugé le serviteur le jour de la résurrection est la prière. Si celle-ci est bonne, tout le reste du jugement sera plus simple. Si celle-ci est bonne, tout le reste de ses actions le sera. Et si celle-ci est mauvaise, tout le reste de ses actions le sera. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou Allah tabaraka wa ta'ala plutôt nous apprend dans le Coran que la prière est la cause pour s'éloigner des péchés et la cause pour nous éloigner des turpitudes. Allah nous dit dans son livre, lis ce qu'il t'a été révélé dans le livre et accomplis la prière. Certes la prière éloigne du mal et du blâmable. Certes la prière éloigne du mal et du blâmable. La prière est la mère des actions. Ibn Mas'ud radiallahu anhu a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant, ô messager d'Allah, quelle est l'action la plus aimée chez Allah? Il lui répondit, la prière effectuée dans son temps. La prière effectuée dans son temps. Je lui dis ensuite, ô messager d'Allah. Il me répondit, la bienfaisance envers les parents. Je lui dis ensuite au messager d'Allah, il me dit, le combat dans le sentier d'Allah. La prière est une des plus grandes causes pour dissiper l'ensemble de tes soucis, pour dissiper de toi la tristesse Et lorsque les nuisances se sont fait lourdes sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque les ennemis de l'islam n'ont pas cessé de l'importuner et d'essayer de lui nuire de toutes les manières et de toutes les façons, Allah subhanahu wa ta'ala a orienté son bien-aimé, a orienté son messager sallallahu alayhi wa sallam vers la cause par laquelle Allah dissipera ses soucis. Il lui a dit: et nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois de ceux qui se prosternent. Sois de ceux qui se prosternent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Bilal: tranquillise-nous par celle-ci, ô Bilal. C'est-à-dire, fais l'appel à la prière afin que nous puissions prier. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouvait son repos dans l'unicité d'Allah, trouvait son repos dans la prière. Et comment est-ce qu'on pourrait ne pas donner d'importance à cette prière, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: et la prunelle de mes yeux est la prière. La chose que j'aime le plus, qui a le plus important chez moi, c'est la prière. Et le musulman aime ce que Allah a aimé, et le musulman aime ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aimé. Et la chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus, c'est la prière. Par cette prière-là, Allah te pardonnera l'ensemble de tes péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'image de celui qui prie les cinq prières est à l'image d'un ruisseau qui coule devant chacun de chez vous, qui coule devant la porte de chacun de chez vous, et il se lave dans ce ruisseau cinq fois par jour. Il se lave dans ce ruisseau cinq fois par jour. On se pose ici une question: celui qui se lave cinq fois par jour, est-ce qu'il lui restera des saletés? Est-ce qu'il lui restera des saletés? De la même façon, celui qui effectue cinq prières par jour, par celle-ci Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ses péchés. La prière est une lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala offre à son serviteur. Il illumine son visage, et avant cela son cœur, puis après cela son corps. Il illumine le chemin sur lequel il marche et lui facilite le chemin par lequel il atteindra la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et le paradis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: was-salatu nur. La prière est une lumière. La prière est une lumière. Sachez mes frères que parmi les choses qui nous montrent le plus l'importance de la prière, il y a le fait que l'ensemble des ordres et l'ensemble des interdits ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était sur la terre. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ordonner à son prophète, la prière, il l'a élevé vers lui. Dans la nuit du voyage nocturne puis l'ascension, il l'a élevé vers lui. Au-dessus du premier ciel, puis du deuxième, puis du troisième, jusqu'à ce qu'il dépassât le septième ciel. Même Jibril alayhi salam n'a pas pu dépasser ce ciel. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné 50 prières, sans intermédiaire. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est descendu au niveau de Moussa alayhi salam, Moussa alayhi salam lui a demandé: que t'a donc ordonné ton Seigneur? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu: 50 prières. Alors Moussa lui a dit: remonte et demande à ton Seigneur qu'il t'allège, car j'ai été éprouvé avec les enfants d'Israël, par moins que cela ils n'ont pas supporté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est alors remonté et a demandé à Allah afin qu'il lui allège cela. Il lui a allégé cela. Il est descendu à Moussa. Moussa lui a redit la même chose plusieurs fois jusqu'à ce qu'Allah ait fixé le nombre à 5. Voici 5 prières, mais nous avons la récompense d'effectuer 50 prières. Donc la prière a été ordonnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était dans les cieux. Contrairement à l'ensemble des autres législations, à l'ensemble de la législation où il était sur la terre. Et pour conclure, une des choses qui nous montre l'importance de la prière est l'histoire qui a précédé la mort de notre noble prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La dernière prière en groupe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait en tant qu'imam était la prière du Dhahr le jeudi. Ensuite, sa maladie ne lui a plus permis de sortir de chez lui, de chez Aïcha radiallahu anha. Le vendredi, puis le samedi, puis le dimanche. Et comme vous le savez, il est décédé le lundi. Et, pendant ces moments-là, il n'arrivait plus à se lever pour entrer dans les rangs ou bien pour présider la prière. C'est alors qu'un jour, il a réussi à se tenir debout et à regarder par la lucarne ou la fenêtre de chez Aïcha radiallahu anha. Et sa fenêtre donnait sur la mosquée. Sur la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est alors qu'il a vu les compagnons alignés en rang. C'est alors qu'il a vu les compagnons alignés en rang. Et Anas ibn Malik radiallahu anhu était dans les rangs. Il a vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit, son visage était tellement rayonnant qu'on aurait dit une feuille du mushaf. كان وجهه كأنه ورقة مصحف. Son visage était comme une feuille de mushaf. À ce moment-là, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu les croyants alignés dans la prière obligatoire, il s'est mis à sourire. Il s'est mis à rire, il s'est mis à sourire. Car il s'est réjoui de voir sa communauté réunie dans cette grande adoration qui est la prière obligatoire. Ma'ashir al-mu'minin, ma'ashir al-muslimin ummata Muhammad. Ta'ammalu hadhi al-qissa. Hadha nabiyuna al-karim, hadha nabiyuna al-habib. Yanzur ila al-ashab, yanzur ila al-sahaba. مجتمعين في المسجد يصلون الصلاة تبسم لذلك أدخل السرور في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا مجتمعين مصلين متعبدين لله رب العالمين. La dernière chose qui a causé le sourire du prophète صلى الله عليه وسلم est la prière. Et parmi les dernières recommandations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait As-salah, as-salah, wa ma malakat aymanukum. Tout cela nous montre l'importance de la prière. Tout cela nous montre la valeur de la prière dans l'islam. Fattakullaha fi salah wa hafidhu ala hadhi salawat. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن قال الله والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم حبب إلينا الإيمان. اللهم حبب إلينا هذه الصلوات. اللهم حبب إلينا هذه الصلوات وأعنا على المحافظة عليها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. Mm-hmm.